J'ai fini mon verre, un soir de déprime, des remises en question, des doutes qui traînent, des rêves un peu bancales, on dirait qu'il tease. Atteindre son objectif ou essayer d'y arriver, qu'est-ce qui prime? Une vie dans le droit chemin ou sur le qui-vive, sur le fil en équilibre, arriver d'être libre, pas mieux et pas pire qu'un autre tiraillé entre ses choix, donc forcément un peu instable. Être en osmose avec soi-même, quitte à parfois se perdre, à marcher des jours et des jours sous un tunnel, on finit par voir la lumière, la tête dans les étoiles et les pieds sur la poussière. Just a land of Vegas, sir. Just a land of Vegas, sir. Just a land of she just dug it. Just a land of Vegas, sir. Just a land of Vegas, sir. Just a land of Vegas, sir. Just a land of Vegas, sir. And she dance to the song. And she dance to the song. And it go, hey na na, watch it go down. Oh, oh, oh. On a traîné des nuits entières, à rien faire, à rigoler de rien, à tuer le temps, à faire ce qu'on appelle se mettre bien, à la recherche de la sagesse. Pour écrire ce texte, si tu me bats contre ma paresse, écoute la base qu'elle te berce, qu'elle te parle même. Des images dans mon crâne se forment pour les retranscrire, faut trouver la force et les mots. Être juste dans ses propos, peu importe si ça fait danser. Ma zique fonce, dès que je veux faire cogite, il fait chaud, la peau est foncée. Écrire avant que la spine vienne s'effondrer sur la prod. Mes rimes, je te les sers gratuits, je suis pas le roi de la carotte. Just a land of Vegas, sir. Just a land of Vegas, sir. La course au succès, tu sais ce que j'en pense. Tu vois comment les gens changent, la confiance se gagne, se perd, c'est comme une monnaie d'échange. Écoute la parole des sages, j'ai chanté cette rime en regardant les anges. J'ai chanté cette rime en regardant les anges. On avance comme on peut, les erreurs on les cumule. Certes parfois les larmes coulent des yeux, atterrissent sur le sol, pas dans les yeux. Je me rappelle de gamin, l'air de jeu, du sable sur les mains, plein d'espoir pour demain. Croire que c'est facile d'arriver à ses fins, être en accord avec ses choix. Bien pour ça qu'aujourd'hui je rêve de voyage, et pas que dans ma tête, faire le tour de la terre. Des centaines de concerts, la richesse est interne, pas que les mains pleines. Tous nos espoirs sont à terre, notre avenir semble si terne. J'aime bien le rêve, c'est pour ça que je suis pas trop terre à terre. La routine me rembarge, l'impression que mon temps je le perds. Ma vie s'écoule et que moi je suis dans la mauvaise barque. C'est ainsi que la mauvaise graine germe dans le cœur des hommes, nous pousse à faire des coups de travers, prendre des chemins plus rapides, quitte à heurter les orties. La tête, la première, la plus belle, des fleurs poussent dans la boue. Les résistants n'étaient pas au gouvernement, mais dans la brousse, ils veulent nous la foutre. Je représente la jeunesse de fou, les cris qu'on étouffe, les SOS qui se perdent dans le bruit des vagues. Triste époque, on est triste comme notre compte épargne. J'ai fini mon verre, un soir de déprime, des remises en question, des doutes qui traînent, des rêves un peu bancales, on dirait qu'il tease. Atteindre son objectif ou essayer d'y arriver, qu'est-ce qui prime? Une vie dans le droit chemin ou sur le qui-vive, sur le fil en équilibre, arriver d'être libre, pas mieux et pas pire qu'un autre tiraillé entre ses choix, donc forcément un peu instable. Être en osmose avec soi-même, quitte à parfois se perdre, à marcher des jours et des jours sous un tunnel, on finit par voir la lumière, la tête dans les étoiles et les pieds sur la poussière. Just a land of Vegas. Just a land of Vegas, sir. Just a land of Vegas, sir. Just a land of she just dug it. Just a land of Vegas, sir. Just a land of Vegas, sir. Just a land of Vegas, sir. Just a land of Vegas, and she dance to the song. And she dance to the song. And it go, hey na na, watch it go down. Oh, thank you.